Voilà, pense le beat, c'est un appel au meurtre. J'rappe sans limite, direct ça sent l'émeute. La schneck et les substances illicites. Rap 9 mm, rime explicite. Au kilomètre, du flow j'en ai des litres. Maintenant tu réalises c'est qui le mêle. Même si pas tireur, dit qui va te la mettre. Profond dans ton fion si tu veux pas l'admettre. Écoute ce son et si tu kiffes, t'as qu'à la remettre. Si j'veux un mec, c'est pour mes gars de Ferry à rifle. Faut que tu kiffes le son qui tue comme une balle de 22 longs rifles. Ou tu pisses le sang comme tous ces bidons qu'on gifle. T'inquiète pas, j'vais pas tirer dessus. Moi j'préfère tirer sur mon spliff. C'est ma thérapie et mon kiff c'est rap. J'suis prêt à scalper les dalpés dans le bis qui m'empêche de palper. Ne scale pas, vas-y chiale pas. Comme une tasse P, tu fais pas le poids. T'auras pas de rescapé, t'avales pas. Espèce de mytho, on sait que tu bais bon. Mais t'es qu'un travelo, tu te la racontes mais t'as pas de flow. Moi on m'appelle MC Perforateur. J'encule les faux rappeurs et leurs adorateurs. Rap pour les amateurs d'un son hardcore. Un truc qui vient du cœur et s'inspire du décor. Représente pour le 9 à mon secteur. Les lyrics explicites c'est la strict reality. Celle de la street, 9 un district. Enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le biz comme perquis à domicile. Ouais c'est DJ Octet pour du rap au missile. Les lyrics explicites c'est la strict reality. Celle de la street, 9 un district. Enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le biz comme perquis à domicile. Ouais c'est Octet Duce pour du rap au missile. Contrairement aucun lit en boîte. Là c'est le quart d'heure patate qu'on me dise Duce. Ce titre c'est du hip hop patate. Et si t'aimes pas mon pote t'es plus hip hop. Troisième patate et patraque. Flow électrochoc, stylo matraque et t'as le track. Ton slip crack, ta jalousie craque quand je me pose sur ton track bâtard. Comme un ratrac, je me dégage une piste. Comme sur un track, je me faire un oncle, les boîtes de prod me pistent. Et je braque ton esprit en frac, hold up cérébral comme après une prise de crack. Une crise narco-rapotique te frappe, les narco-rapotistes. Quand leur chef tu chlappes, mate l'effet thérapeutique en marche. Soit donc squat avant de zone prolifique de barge large. Ouais, tout pour l'argent, là où des gens merdis, fils de putain, monsieur l'agent. Lâche-moi la jambe, dis que ce que je te les rende pas. Nos vices dessous, un souci pour nos rempates. Mais prends pas, tu ne comprends pas. Quand feras, tu ne me prends pas, te trompe pas. Tu ne peux pas test, tu ne trompe pas. Le droit sur la détente lyricale qui ricane quand il se pose sur l'instrumental. Duce appuie sur la détente lyricale et ricane quand il tue l'instrumental. Lyrics explicite, c'est la strict reality. Celle de la street, 9 à district, enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le bus comme perquis à domicile. Ouais c'est Rockney, Duce pour du rap au missile. Lyrics explicite, c'est la strict reality. Celle de la street, 9 un district. Enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le biz comme perquis à domicile. Ouais c'est tout chez Rockney pour du rap au missile. MC fait tard, t'es le joint, le mic. J'ai pas t'es les gens quand je commence à tes chants. T'as pétasse, écarte les jambes quand je rappe. J'suis dans mon élément, tellement j'suis fort textuellement. Qu'après le flow vient naturellement. J'rappe pour mes sauces, mes racailles en survêtement. Avec un SM58, j'assure tellement. Que j'mets les tympans en fuite, j'essaie tellement. Trop de style, Rockney hardcore nécessairement. Ferme ta gueule et laisse-moi faire mon taf. Je représente jusqu'à l'enterrement. Le hip hop ma lanterne, mais pas et ma vie à long terme. J'ai remarqué que tu remets ton crâne de bas en haut sur le son. Blocage, si tu piques une tête dans le flow. La hydrocution, attention, comme dans un barrière, il m'a percussion. Les notions de rap dépassées, j'ai eu la mention. La motion, sans sûr, je m'en tape seul contre l'émotion. Les commotions, tu rappes sur contact en option. Si je te tutoie, rap altercation. Pas d'alternative, l'ai déjà dit 3x4. Le rap ma passion, mais passons les détails. Bref, faut juste que les frissons aillent des oreilles jusqu'au caleçon lyrical. Bataille donc, attention garçon. Au toucher, Duce, couler, style, flow, action. Lyrics explicite, c'est la strict reality. Celle de la street, 9 à district. Enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le bus comme perquis à domicile. Ouais c'est Rockney, Duce pour du rap au missile. Lyrics explicite, c'est la strict reality. Celle de la street, 9 un district, enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le biz comme perquis à domicile. Ouais c'est tout chez Rockney pour du rap au missile. Lyrics explicite, c'est la strict reality. Celle de la street, 9 un district, enfin du 9 dans l'industrie. Débarque dans le biz comme perquis à domicile. Ouais c'est Rockney pour du rap au missile.